Chapitre 5e. Un an plus tard, Big Spring, Texas. Cela faisait une semaine à présent que Patrick travaillait de l'aurore au coucher du soleil. La sueur lui coulait le long de la colonne vertébrale, sur le front, et finissait par lui brûler les yeux. Enfin, le blé était moissonné. Au loin, levant la tête, il aperçut Jonathan et Jeffrey jouant près du poulailler. Maureen devait avoir terminé le repas à présent. Il était l'heure de rentrer. Il mit sa faux sur son épaule et prit le chemin de la maisonnette tout en bois qu'il avait lui-même construite un an auparavant. Ils avaient terminé le voyage sans encombre. À un tournant, voyant le long serpent argenté du Rio Grande, ils avaient bifurqué et continué sans les autres. La terre promise était enfin là, à portée de leurs mains pleines d'espoir et de labeur. C'était à quelques centaines de kilomètres de là que la parcelle numéro 580, qui leur était assignée, les attendait. De belles prairies bien grasses et vierges, où l'herbe poussait drue et où quelques bisons égarés paissaient encore paisiblement. Bien sûr, on avait repoussé bien loin les Indiens dans des réserves vers le Mexique. Malgré cela, ils eurent de temps à autre quelques belles frayeurs. Il ne se passait pas un jour sans qu'ils ne voient un pot rouge au loin. Pourtant, ils ne s'approchaient guère de leur maisonnette. Après quelques mois, il n'y eut plus aucune apparition dans le lointain, bien qu'ils constatassent avec surprise et un peu d'appréhension la disparition de quelques poules. Enfin, demain, Maureen et lui rentreraient la moisson. Elle avait été belle et abondante. L'hiver serait paisible. Il restait encore les haricots presque à terme, et le travail était loin d'être terminé pour autant. Les pommes de terre étaient déjà entreposées dans la resserre, et les bocaux de pêche bien alignés sur l'étagère qu'il avait aménagée avec succès, après bien des tâtonnements, et dont il n'était pas peu fier. Des pêches si abondantes sur de beaux arbres si bien alignés, comme si quelqu'un les avait plantées. Étonnant dans ce paysage si désertique, peuplé seulement d'animaux sauvages. Qui aurait eu l'idée saugrenue de planter des pêchers ici? Mais tout de même, de temps à autre, quand il regardait tous ces arbres, dont certains devaient être cinquantenaires, il se disait que sûrement la nature n'avait pas fait cela toute seule. Bientôt, il ramasserait du bois mort pour cet hiver. Non qu'il était rude, mais le vent qui soufflait parfois du nord les faisait grelotter, et les enfants étaient si petits encore. Ils avaient récupéré la vache des parents du petit Mike, que Stewart leur avait donnée en remerciement de leurs bons conseils et soins prodigués par Maureen. Une infirmière du convoi avait appris à sa femme à traire la bête, puis à en tirer de la crème et du bon beurre. Patrick ajusta sa faux sur son épaule douloureuse et prit le panier repas de l'autre main. Tous les jours, il mangeait au champ pour ne pas perdre de temps et rentrait tranquillement par le chemin qui serpentait parmi les pêchers. Il avait hâte de se débarrasser de toute cette poussière qui lui collait à la peau. Aussi allongea-t-il le pas. Les enfants, distinguant leur père, coururent vers lui, sur leurs petites jambes potelées, en poussant des piaillements de joie. À ce moment-là, Patrick sentit son sang se figer dans ses veines et s'immobilisa. Il laissa tomber le panier et la faux, et enfin retrouvant sa mobilité, fonça à toutes jambes vers les jumeaux. À environ 200 mètres de lui, entre la maison et les enfants, se tenait une petite troupe d'Indiens à cheval. Maureen, sur le pas de la porte, regardait Patrick soulever les petits dans ses bras. Le tableau la combla de bonheur. Elle ne vit point les Indiens s'approcher d'elle. Patrick lui fit de grands signes en courant de plus en plus vite, et elle répondait à ses saluts en souriant. La dernière chose qu'elle vit fut son mari et ses deux enfants qui couraient. Courait. La flèche lui transperça le cœur. Elle fit un tour sur elle-même et s'effondra dans la poussière, visage contre terre, cette terre qui était devenue sienne et qu'elle commençait tout juste à appeler son pays. Les enfants hurlaient dans les bras de leur père, il leur faisait mal en les serrant si fort contre lui. Se débattant de toutes leurs forces, ils glissèrent à terre et quand Patrick trébucha, ils coururent à toute vitesse vers leur mère. Patrick se releva d'un bond, cria le nom de sa femme, puis celui de ses deux petits, qui allaient, eux aussi, pauvres innocents vers une mort certaine. En un instant, tout bascula. Un des peaux rouges sortit son tomahawk et l'abattit sur Jonathan. Puis continua sur sa cruelle lancée. Il atteignit Jeffrey et le décapita. Patrick sentit son cœur s'arrêter. Il ne voyait plus que les petits cadavres rougis par le sang, la vie innocente qui s'écoulait. Il perdit connaissance. Une douche glacée le sortit de sa torpeur. Les Indiens faisaient cercle autour de lui. D'autres s'acharnaient et ravageaient sa maison, pillaient les réserves. Son regard se posa sur le corps de Maureen et de ses deux bambins adorés. Sa raison vacilla. Il partit d'un éclat de rire démentiel, incontrôlable. Il se leva, se tourna vers les sauvages, riant et sanglotant à la fois. Un coup sur l'épaule le fit retomber à genoux. L'Indien, qui semblait être le chef, sortit un couteau. Les yeux de Patrick, fous de douleur, devinrent blancs. Leur chef fit alors un signe vers le reste de la troupe. On ne touchait pas à un homme devenu fou. Ils remontèrent sur leurs chevaux et disparurent aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. La maison acheva de se consumer. Toute cette horreur n'avait duré que quelques minutes. Patrick gisait à terre, anéanti. Sa raison avait fui. Lorsqu'il reprit connaissance, il ne reconnut pas l'endroit où il se trouvait. Il se sentait si léger qu'il avait l'impression de flotter. Tout était très sombre autour de lui. La conscience lui revenait peu à peu. Mais où donc était-il? Maureen et les enfants devaient être inquiets. Il essaya de se relever en s'appuyant sur ses coudes, mais des suées froides lui vinrent et il retomba sur sa couche. Il avait froid, si froid. Était-il malade? Maureen avait dû l'aider à se mettre au lit. Il devait avoir attrapé une mauvaise fièvre. Et la moisson à rentrer. Il essaya encore vainement de se soulever. C'était étrange, cette sensation de planer. Il n'avait mal nulle part, il se sentait même plutôt bien, reposé. Il en déduisit qu'il devait être guéri. Allons, se dit-il, il faut que je me lève. Maureen ne saurait s'occuper de la ferme et des enfants toute seule. Bon sang qu'il faisait noir. Et pas de chandelle à côté de lui, se fit-il la réflexion en tâtonnant. Mais peut-être était-on en plein milieu de la nuit. Il réfléchit encore quelques minutes, et puis décida de s'allonger de nouveau. S'il se levait, il risquait de réveiller toute sa petite famille pour rien. Le repos était la meilleure des choses. Il pourrait mieux les aider le lendemain. Oui, plus il y pensait, plus cela lui semblait être la meilleure des solutions. Aussitôt, il replongea dans un profond sommeil. Perle de lune et larmes de pluie étaient déjà venus voir Patrick. Celui-ci dormait toujours. Le hogan était chaud, les jeunes filles se relayant pour entretenir le feu en son milieu. Le camp était calme depuis que les raids apaches avaient cessé. Les autorités excédées avaient envoyé l'armée calmer quelques tribus insoumises. Les Navarros étaient un peuple paisible et pacifique. Ils avaient vu l'incendie de la maison des Emerson. Aussitôt, leur chef, chevelure d'argent, avait ordonné à ses fils de les secourir. Trop tard, hélas. Ceux-ci avaient trouvé Patrick, inconscient mais en vie. Les Navarros aimaient bien les Emerson, bien qu'ils n'aient jamais eu vraiment de contact avec eux. Ils avaient bien prélevé quelques poules ou œufs quand leur réserve de nourriture était trop basse, mais jamais les Emerson n'avaient protesté. Et surtout, cette famille avait pris soin de leur pêcher. Le premier chef de la tribu Navarro, quelques centaines d'années auparavant, avait planté quelques pêchers sur leur terre. C'était l'endroit où la tribu vivrait. D'année en année, les Navarros soignaient et replantaient régulièrement ces pêchers. Ils revêtaient pour eux pratiquement un caractère sacré. Les Navarros s'étaient réfugiés au Mexique pour ne pas subir l'humiliation d'une réserve. Mais cette année, l'appel des ancêtres avait été trop puissant. Le vieux sage, le père de chevelure d'argent, avait donné le signal du départ pour la plaine aux bisons. Surpris, certes, ils l'avaient été en voyant leurs prairies en partie cultivées et leurs terres attribuées à des blancs. C'est à ce moment-là qu'ils firent la connaissance de la famille Emerson. Ils revendiquèrent leurs droits à leurs terres et les autorités ne leur accordèrent que deux parcelles pour leur peuple, à condition toutefois de se tenir tranquilles et de ne pas chasser sur les terres qui appartenaient désormais aux blancs. Bison ardent, chien fou et loup fougueux, avaient enterré Maureen et les enfants, selon la méthode des hommes blancs. Puis ils avaient transporté Patrick au campement. Chevelure d'argent décida de faire construire un peu à l'écart du campement un nouveau hogan pour le jeune homme. Il fallait attendre que celui qui a perdu l'esprit reprenne sa conscience. Ensuite, le grand Manitou les guiderait. Patrick resta inconscient 5 longs jours, puis un matin il ouvrit les yeux de nouveau lucide. Il lui fallut quelques longs instants avant qu'il ne se souvienne de tout ce qui s'était déjà déroulé. Le camp entier frémit en entendant le long hurlement démentiel. Chevelure d'argent dit alors: Son nom sera Chien hurlant. Il faudra faire très attention à vous, fils. Pour l'homme blanc, à l'heure actuelle, un Indien, quel qu'il soit, est un assassin. Cet homme qui a tout perdu est devenu fou. Il est capable de tout, mais il faut le comprendre et l'aider. C'est notre devoir. Le grand esprit l'a placé sur notre route et nous ne savons pas encore dans quel but. En attendant, il nous faut tout faire pour lui. Perle de lune et larmes de pluie s'occuperont du hogan, du feu et de la nourriture. Vous, mes fils, vous chasserez pour lui et l'empêcherez de se faire du mal, même si pour cela nous devons le ligoter. Mais ne le brisez pas complètement. Il doit finalement comprendre que si le grand esprit n'a pas voulu qu'il meure avec sa famille, c'est qu'il avait une autre mission pour lui sur cette terre. Sur ces sages paroles, Chevelure d'argent, accompagné par toute la tribu, se dirigea vers le hogan de Patrick. Il entra seul, cependant. Voyant un de ces sales sauvages devant lui, Patrick poussa un cri de haine atroce et se précipita sur lui. Chevelure d'argent le repoussa fermement et le tint assis. Patrick, affaibli par les émotions, le jeûne des derniers jours, ne put se relever. Le chef s'assit à ses côtés. Peux-tu comprendre mes paroles, homme blanc? Il attendit patiemment quelques minutes. Patrick hocha alors la tête et Chevelure d'argent reprit. Nous ne sommes pas ceux qui ont tué ta famille. Tous les Indiens ne sont pas mauvais. Comme les hommes blancs et les arbres de la forêt, leurs feuilles ne sont pas identiques. Nous sommes de la tribu des Navajos, d'une essence paisible. Nous ne voulons de mal à personne. Nous allons t'aider, mais seulement si tu le désires. Patrick, assis par terre, regardait ce vieil Indien qui parlait sa langue. Il ne comprenait pas toutes ces paroles qu'il mélangeait fréquemment avec son propre dialecte, mais le plus clair était entré dans sa tête. Ce n'étaient pas eux les criminels, sinon qui les aurait empêchés de le tuer lui aussi. Apparemment, ils l'avaient sauvé, soigné et ramené chez eux. Dans quel but? Patrick ne pensait qu'au corps mutilé de sa femme et de ses enfants. Ma femme, mes petits, gémit-il. Nous les avons enterrés selon vos méthodes. Ils resteront là-bas à garder votre terre à jamais. Pourquoi avoir fait cela? Il y a un an désormais que nous sommes rentrés chez nous, mais notre terre était devenue la vôtre. Nous vous avons observé longtemps, alors nous avons décidé de vous laisser faire. Vous avez respecté nos péchés, les avez cultivés sans les couper. Vous n'avez pas tué les bisons, juste les chasser quand ceux-ci sont venus dans vos cultures. Nous n'avions donc aucune raison de vous vouloir du mal. Le grand esprit qui nous guide tout le long de notre vie nous dicte aussi notre conduite. Envers ceux qui sont pacifiques, nous nous devons de l'être également, car il y a toujours une bonne raison à chaque acte. Bien sûr, nous vous avons pris quelques œufs ou poules lorsque la famine menaçait notre peuple, mais là encore, vous n'avez rien dit ou fait de mal envers nous. Vous faites partie des hommes blancs bons et pacifiques. À présent, nous devons vous aider en retour. Nous n'avons malheureusement pu arriver à temps pour sauver également votre femme et vos enfants, mais là aussi, nous pensons qu'il y avait une raison. Patrick lui demanda combien de temps s'était écoulé depuis l'atroce massacre. Quelques jours seulement où ton esprit a erré autour de la terre. À présent, il est revenu en toi. Que veux-tu faire, chien hurlant? Chien hurlant? Qu'est-ce que c'est? Mon nom est Patrick. Chevelure d'argent lui coupa la parole. Nous t'avons appelé ainsi, car nous ne connaissions pas ton nom. À t'entendre hurler, tu nous as fait penser à cet animal qui, lorsqu'il perd son maître, hurle de douleur. Ne te vexe pas. C'est un honneur que de recevoir un nom indien. Je voudrais à présent te présenter mes fils et mes filles. Tu n'es pas encore assez fort pour chasser et te nourrir. Ils le feront pour toi. Mes filles te prépareront à manger et entretiendront ton feu, tes vêtements, ton eau. Ne cherche pas à te sauver. Tu n'as nulle part où aller et tu es trop faible. Tu ferais un excellent repas pour les loups et les coyotes. Reprends des forces avec nous. Ensuite, le grand esprit guidera tes pas.